En signe de soutien à la déclaration du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée et pour jurer de remporter à tout prix la victoire finale dans les affrontements avec les États-Unis, il y a eu le discours devant le monument à la guerre de libération de la patrie, le rassemblement des militaires du ministère coréen des forces armées populaires. Y ont pris part Fang Byung-soo, Lee Myung-soo, Park Yong-sik et d'autres hauts commandants de l'armée populaire, les officiers et soldats, ainsi que les élèves des écoles militaires de tous niveaux. On a tout d'abord donné lecture de la déclaration du gouvernement de la République. Le sous-maréchal Lee Myung-soo, chef d'état-major général de l'armée populaire de Corée, a fait un discours qui souligne entre autres. La récente résolution de sanctions de l'ONU est purement et simplement le résultat des menées américaines scélérates d'étouffement et d'isolement. C'est l'empiètement grave sur notre souveraineté et le défi ouvert contre notre République. L'actuelle situation prouve de nouveau la justesse de la façon dont nos militaires et civils ont renforcé par tous les moyens la puissance nationale en suivant résolument la ligne du grand parti consistant à mener de front la construction économique et le renforcement des forces nucléaires dans toutes les adversités. Si les États-Unis agissent à la légère, au lieu de renoncer à leur tentative insensée de supprimer notre idéologie, notre régime et notre peuple, les forces armées révolutionnaires coréennes infligeront des coups impitoyables les plus épouvantables et extermineront les ennemis. Pour terminer, il a appelé tous à s'unir étroitement autour du commandant suprême Kim Jong-un pour briser résolument les sanctions et démarches américaines d'étouffement et avancer vigoureusement afin d'anticiper la victoire finale de l'historique cause de réunification de la patrie et de l'œuvre originale de la révolution de Sun Gun. Ensuite, il y a eu les interventions.